confiture d'orange. Elle en a plein les doigts. La fille que j'aime, j'aime, j'aime. Fait bon dans les draps de la fille que j'aime, j'aime, j'aime. Elle m'épluche un fruit, je lui allume une cigarette. Un fruit, je lui allume.